Le homepage d'Internet de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée et le homepage d'Internet polonais La République populaire démocratique de Corée ont présenté le 7 janvier l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, luttant ferme pour la victoire finale en portant encore plus haut l'étendard du Sun-kun.